Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Voix sur ces canaux, dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. L'un des intervenants du documentaire que vous allez entendre prétend que les canaux évoqués par Baudelaire dans le plus célèbre de ses poèmes sont ceux d'Amsterdam, du moins tels que le poète les connaissait à travers la peinture. En 1985, Sylvie Andreux proposait pour le magazine L'Échappée Belle une promenade dans la capitale hollandaise, le long de ses canaux, à la rencontre de ses habitants. Ils y racontaient une certaine douceur de vivre, ancrée dans l'histoire de la cité, un goût de la flânerie, mais aussi un lieu où tout n'était pas qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Une invitation au voyage réalisée par Eliane Millot et diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 janvier 1985. Na mijn aankondiging in het Engels en Frans zal het cabinepersoneel een demonstratie geven van het gebruik van het zuurstofmasker. Good evening, ladies and gentlemen, this is the person speaking. On behalf of Captain Kvingayou. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est votre chef de cabine. Au nom du commandant Kvingayou, je vous souhaite la bienvenue à bord. La durée du vol vers l'aéroport Schiphol d'Amsterdam est de 40 minutes, seulement 40 minutes à Amsterdam. Veuillez mettre le dos de votre siège en position verticale et le défiler de fumée jusqu'à la cité de Grosse-Mobile-Sortie. Allô, allô? Maintenant, nous arrivons dans la rivière Amstel et cette rivière est la seule rivière naturelle d'Amsterdam. De ce nom vient le nom de ville parce que dans la rivière d'Amstel, on a bâti une dam. Et comme ça, c'était Amsteldam et après, c'est changé à Amsterdam. La ville en nombreux îlots ne connaît qu'une seule voie d'eau naturelle. C'est la rivière Amstel sur laquelle nous allons naviguer. Dans cette rivière, au XIIIe siècle, des pêcheurs ont construit une digue ou dame. C'est ainsi que notre ville a obtenu son nom, Dame dans l'Amstel. Amstel-Rodam et aujourd'hui, par contraction, Amsterdam. Encore aujourd'hui, ce dame est le centre de la ville, là où se trouve entre autres le Palais Royal. Spécial de Hollande, c'est un peu comme le poisson japonais parce qu'on le mange sans le cuire avant. Mais c'est très bon, c'est avec beaucoup de sel, un goût de sel, c'est pas celle qui est mise dessus, mais c'est un goût de sel parce qu'il vient du mer. On le mange de haut debout et tout dans une pièce et on le met au-dessus de son bouche et ça va entrée avec des petits oignons et c'est vraiment hollandaise et on mange ça avec des petits oignons hachés. Et on en mange beaucoup? Oui, oui. Régulièrement? Oui. Toi tu en manges? Oui, moi j'aime beaucoup. Et tu aimes ça? Oui. On peut aussi le mettre sur un petit pain, mais la chose normale est de manger juste dans une pièce, comme ça, quand vous êtes au bout, sur le marché ou quoi, dans un magasin, dans tout le magasin de poissons, on peut l'avoir. Là, il y a une odeur très forte d'ailleurs. Oui, oui. On est devant la, Oui, on le sent très bien parce que tout vient de la mer. Et puis, le son de mer, on peut sentir ici. Absolument. Ça sent la mer à Amsterdam. Oui. Les maisons pointues ont l'air de pencher. On dirait qu'elles tombent. Les mâts des vaisseaux qui s'embrouillent dans le ciel sont penchés comme des branches sèches au milieu de verdure, de rouge, de rouille, de harengs-sort, de peaux de mouton et de houille. Robinson Crusoe y passa par Amsterdam. Je crois du moins qu'il y passa, en revenant de l'île ombreuse et verte aux noix de coco fraîches. Quelle émotion il dut avoir quand il vit luire les portes énormes aux lourds marteaux de cette ville. Regardait-il curieusement les entresols où les commis écrivent des livres de contes? Eut-il envie de pleurer en resongeant à son cher perroquet, à son lourd parasol qui l'abritait dans l'île attristée et clémente? « Oh, éternel, soyez béni !» s'écriait-il devant les coffres peinturlurés de tulipes. Mais son cœur attristé par la joie du retour regrettait son chevreau qui, aux vignes de l'île, était resté tout seul, ou peut-être était mort. Et j'ai pensé à ça devant les gros commerces où l'on songe à des juifs qui touchent des balances avec des doigts osseux noués de bagues vertes. Vois, Amsterdam s'endort sous les cils de la neige dans un parfum de brume et de charbon amer. Première chose, Marie-Hélène Freyssay, nous ne sommes pas déçus du voyage et vous aurez reconnu, parmi un lot de cartes postales les plus radiophoniques de cette ville et un extrait d'un poème de Francis Jammes. Alors, parmi les impressions les plus fortes que nous ramenons de ce voyage, peut-être, cette invitation constante à la flânerie et à la découverte improvisée, voire même désorganisée de la ville. Le seul fil conducteur immuable d'Amsterdam, ce sont les 5 canaux principaux de la ville. Et puis, une autre impression forte, c'est l'harmonie entre deux genres différents, entre l'ordre et le désordre. Alors la rupture et l'équilibre entre les façades cossues, briquées des maisons d'Amsterdam, témoins, vous le savez, du siècle d'or, des négociants et des peintres du 16e et 17e siècle, et de l'intérieur de ces maisons. Car ce qui est extraordinaire, derrière ces façades rigides, puritaines, la vie s'invente tous les jours, les mœurs évoluent, et la création s'autorise toutes les audaces. Nous allons retrouver au long de ce programme Karine Geisterland, qui aime tant les harengs, vous l'avez entendu, qui est donc une des guides officielles de l'Office du tourisme à Amsterdam et qui a guidé notre dérive dans cette ville, dans chacune de ses découvertes. Vous l'entendrez et surtout vous allez la reconnaître à son petit accent tout à fait adorable. Mais la première vision que nous avons eue d'Amsterdam, c'est celle d'une photographe hollandaise qui vit à Paris, qui s'appelle Annette Held et qui a pour cette ville aussi les yeux de l'enfance. Moi, je suis née dans le nord de la Hollande, dans une petite ville au milieu des roseaux et des bateaux et des oiseaux. Mais ma mère était juive d'Amsterdam, toute sa famille juive était à Amsterdam, et toutes les vacances d'été, on partait là-bas. Mais on partait pas par le train. On partait d'abord à 5h du matin, on prenait un autocar pour aller dans une petite ville de Frise, pour prendre le bateau qui traversait la mer pour aller à Amsterdam. Et ça, c'était une traversée d'à peu près 5 heures. C'était l'aventure totale parce que déjà dans l'autocar, on avait mal au cœur, les enfants. Et sur le bateau, c'était pire. C'était un désastre. Mais il y avait la grande attente de la grande ville où on allait arriver. On était accrochés à ma mère, tout le monde vomissait. Et ensuite, on arrivait aux grandes écluses d'Amsterdam, les Oranjesluizen. Et là, il y avait les marchands d'harengs, les petits pins, les anguilles. Il y avait tous les immenses bateaux qui étaient là, c'était des écluses gigantesques. Et pour nous, c'était l'entrée dans la grande ville. Pour nous, c'était autre chose, parce qu'on vivait dans cette petite ville où on faisait du bateau. C'était une vie de campagne avec des vélos. Et on arrivait à la ville, alors il y avait le tramway. Pour nous, c'était ce tramway jaune et bleu avec les petites sonnettes. Quand j'étais couchée la nuit chez ma grand-mère, j'entendais au loin le bruit du tramway. Et pour moi, c'était la grande ville. C'était les grandes villes. C'était les marionnettes sur les dames, qu'il y a toujours maintenant d'ailleurs. Jusqu'à quand ces grandes vacances à Amsterdam? Jusqu'à ce que la guerre a éclaté, parce qu'on ne pouvait plus y aller. Ma mère portait une étoile, mes grands-parents ne pouvaient plus sortir de leur maison. Et le rêve d'Amsterdam était fini. C'était la fin du rêve? C'était la fin du rêve. Je suis allée avec une amie, il faisait 12 degrés à Paris, on a pris le train, on est arrivé, il faisait moins 12. La ville était couverte de neige, toutes les tramways étaient arrêtés, et alors il y a le conducteur du tramway qui descendait de son véhicule avec un petit balai pour essayer de dégager les rails. Ça n'a pas marché, toutes les tramways étaient bloquées, il n'y avait plus aucun trafic dans la ville. C'était un silence total. Une blancheur totale. Et tout ce qu'on a pu faire, nous, c'est de marcher à la main avec nos valises d'un bistrot à l'autre pour se réchauffer parce qu'on n'était pas du tout habillés pour le grand froid. Alors, immédiatement, quand en Hollande, il y a la neige, il y a la glace, tout ferme. Les écoles ferment et on est sur la glace et c'est un tableau de Bruegel. Alors, mais ça n'arrive pas souvent, mais j'espère que vous aurez cette chance. Retourner à Amsterdam, c'est parce que vous éprouvez le... Oui, mais c'est une frustration. Le besoin d'y aller? Oui, mais c'est une frustration parce que j'y n'y habite pas. Alors je regarde les maisons de l'extérieur. Je ne suis pas chez moi. Les Hollandais sont devenus des étrangers pour moi aussi. Alors j'ai un regard autre que des gens qui vivent. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je regarde mieux. On pourrait essayer d'examiner le regard que vous avez parce que d'une part vous êtes photographe, donc vous avez le regard un peu troublé par l'objectif. Oui. Et puis d'autre part, vous êtes devenue étrangère dans votre propre pays. Absolument. Alors, est-ce qu'on peut parler de dépaysement quand vous arrivez là-bas? Il y a un dépaysement et en même temps un émerveillement. Parce que chaque fois que j'y vais, je suis folle. Je regarde tout, beaucoup plus que les gens qui habitent, ou plus qu'un étranger, parce qu'il n'a pas ce même lien affectif de l'enfance qui se mêle à cette vue. Ce qui m'a frappé, c'est que dans des cafés, il y a beaucoup de cafés, de très jolis cafés, on ne les a pas modernisés comme à Paris. On a encore les cafés bruns, ça s'appelle. Et il y a les vieux du quartier qui sont là, mais il y a aussi beaucoup de jeunes, des hippies, de toutes sortes, qui sont en communication, qui se parlent. Ce n'est pas des boîtes des jeunes et des vieux, tout ça se mélange d'une façon assez harmonieuse. Donc vous aimez retourner là-bas pour parler aux gens dans la rue? Pas uniquement, je vais aussi là-bas parce que j'ai de la famille là-bas, et pour regarder, et pour revoir des copains, et pour voir l'eau, et pour entendre le tramway, et pour, je sais pas. Est-ce que vous faites des photos à chacun de vos voyages? Non. Alors, est-ce que vous savez pourquoi vous faites des photos et pourquoi vous ne faites pas? Ah non, parce que si on fait des photos, on peut pas regarder. Parce que si on fait des photos, c'est un autre regard. Si je fais pas de photos, j'ai un regard libre. D'ailleurs, les touristes ne devraient pas toujours faire des photos. Ils feraient beaucoup mieux de regarder sans appuyer, sans un objectif, ils ne voient rien. De laisser les appareils à la maison? Absolument. Parce qu'ils ne voient rien, ils pensent qu'à leur projection l'hiver pour montrer aux copains, mais en fait, ils ne regardent pas vraiment. Et vous préférez les voyages à Amsterdam avec photo ou sans photo, pour vous? Libre de l'appareil ou pas? Parce que vous aimez votre métier aussi. Oui, ça dépend, c'est très différent. Si j'ai un travail à faire, ça me plaît aussi. La dernière fois, j'ai photographié un appartement à l'intérieur d'une maison qui date probablement de 1600, que les gens ont très très bien transformé. J'étais ravie de voir ça et de faire ça, et de passer une journée au bord de ce vieux canal avec les péniches devant. Mais j'aime me promener comme ça aussi, les deux. Parce que j'aime aussi les faire connaître aux étrangers. Donc, j'ai fait plusieurs guides pour Marie-Claire sur Amsterdam. Je suis très contente de faire ça, parce que je sais que je peux leur montrer des choses que les autres ne verront pas. Nous allons rentrer à un café très fameux d'Amsterdam. Ça s'appelle Le Piper et c'est un café brun. Et café brun, c'est très populaire. Il y a plusieurs à Amsterdam. Et il s'appelle café brun parce que l'intérieur, normalement, brun. Il n'y a pas de musique, il y a de toutes sortes de gens, des jeunes, des vieilles, des filles, des hommes, bien toutes sortes, des hommes des affaires, des étudiants, bien toutes sortes. Il vient ici souvent entre 5 et 6 heures avant le dîner pour prendre l'apéritif. Et bien sûr, on boit beaucoup de la bière de Heineken d'Amsterdam, mais aussi ce qui est très populaire, c'est le bière et avec ça, un petit genêt vert. Ça, ensemble, on boit et ça s'appelle un kopstootje. Nous allons voir dedans. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens. Vous voyez, l'atmosphère est très agréable, il fait chaud et tout le monde discute avec l'un et l'autre, même s'il ne connaît pas. Qu'est-ce que vous voulez boire? Vous voulez boire quelque chose? Oui, mais ce qui se boit ici. Une bière? Oui. Avec du Genève ou non? Sans. Et vous, aussi une bière? Petit bijou. Parce que c'est pas pour une soirée toute longue pour rester ici, mais pour une boisson, une ou deux, c'est pas la peine d'être ici. Et c'est plus agréable, on voit plus, on rencontre plus de gens comme ça. Alors, vous avez quelque chose à voir? Oui, on a bu, on a bu. Oui, vous êtes sûr? Oui. Oui. Ok. Vous ne buvez pas de bière, seulement du vin? Buvez tous. C'est mon copain qui comprend le français plus mieux que moi. Plus mieux que moi, hein? C'est bien? Mieux. Mieux, hein? C'est bien, hein? Ik heb hem niet gehoord, denk ik. Zij zegt, je hebt genoeg gehad. Zij is Française. Ik heb genoeg gehad. Wil je nog een biertje van mij, Thijs? Ja, zeker. Annette Held, on parlait tout à l'heure de ce qui s'était passé à Amsterdam dans les années 60, au moment où il y a eu une vague hippie qui a déferlé sur cette ville, qui est devenue un peu le refuge de tous les marginaux, avec un sentiment de liberté qui s'est exercé et qui est parti un peu dans tous les sens. Alors aujourd'hui, eh bien, 25 ans plus tard, qu'est-ce qu'il reste de cette liberté qui existait ? Cette liberté est restée. Parce que c'est passé dans les mœurs, il n'y a pas de nouvelles inventions. Les jeunes de maintenant, il y a beaucoup de chômage comme dans les autres pays, il faut travailler. Mais cette liberté est passée dans les mœurs, mais ce n'est pas les provos tellement qui ont... Il y a toujours eu une liberté, il y a toujours eu une tolérance. Moi, je l'ai fait remonter au siècle d'or. Tous les juifs maranes qui sont venus de Portugal et d'Espagne ont été accueillis à bras ouverts, parce que les gendarmes s'en ont très vite compris que c'était des grands commerçants avec beaucoup de connaissances. On leur a donné une grande liberté. Les Huguenots qui sont venus ont été accueillis à Amsterdam. Ils ont été exemptés d'impôts pendant 3 ans par le maire d'Amsterdam parce qu'ils trouvaient que c'était des bons apports. Et en fait, c'est des gens très moralistes aussi. Vous n'avez qu'à voir encore maintenant à l'ONU, la petite Hollande prend une voie souvent très morale. Parce qu'en fait, selon Calvin, l'autorité de l'État repose sur la justice divine. S'il n'y a pas cette justice, il faut se révolter, c'est un devoir. Et si les Hollandais se sont bagarrés contre l'oppression espagnole, qui est en fait la première guerre de libération, c'est à cause de ça que Guillaume d'Orange a eu tout le peuple derrière lui. Mijn leven is totaal ontwricht. Ik voel me overboord gegooid, vandaag las ik dit nieuwsbericht. De bom valt nooit. Maar zal de bom daar echt niet vallen? Wat moeten we dan met z'n allen? Zolang een toekomst ons ontbrak, leefden we dood op ons gemak. Wij keken met een verste blik, nog maar voortdurend naar de grond. Nu is tot onze grote schrik de hele wereld kerngezond. Moet het nu uit zijn met die kater? Moeten we denken over later? Ach, dat gezeur, want het heeft geen zin, dat trapt geen schoolmeester meer in. Qui est intervenu, c'est la drogue dure et ça a tout gâché en fait. Parce qu'au moment des Provos, quand ils ont ouvert le grand parc, le Vondelpark, qui est un peu le jardin du Luxembourg, d'Amsterdam, entouré des superbes maisons bourgeoises, pendant des années, les hippies ont vécu là-bas. Il y avait un service de traduction, un service médical pour tout le monde. S'il y avait des difficultés, tout de suite, il y avait des infirmières, des médecins, des traducteurs pour les aider. Et on a ouvert ce parc et on a fait un sondage auprès des habitants des alentours, s'ils acceptaient tous ces gens qui dormaient là. Ils ont dit oui, parce que ça change nos enfants, il va autre chose que nos gueules, à nous. Ensuite, ils ont dû fermer, ils ont dû défendre ça, parce qu'il y a la drogue dure qui s'est introduite, et c'est devenu trop dangereux. Amsterdam, maintenant, le quartier rouge, c'est un quartier des ruines. Et ça n'existait pas avant. Alors maintenant, la ville se bat, ils ont... Moi qui lis les journaux hollandais tous les jours, ils ont absolument tout essayé qui est possible pour combattre la drogue. Ils ont été très très tolérants. On a ouvert des grands cafés où la drogue se vend librement. Mais les gens qui habitaient dans ce quartier, c'était difficile à vivre avec leurs enfants parce qu'il n'y a pas que les drogués, il y a les dealers qui viennent. Alors ils ont décidé de faire des petits cafés dans différents quartiers pour disperser les gens de la drogue. Mais les gens qui habitaient dans ce quartier-là, ils se disent, mais nous on n'y tient pas tellement. Finalement, les gens de la ville ont acheté des bateaux qu'ils ont mis dans le port et qu'ils ont offert aux drogués en disant comme ça, c'est un peu plus séparé de nous. Ensuite, ils ont décidé, la ville, de donner la drogue gratuitement, l'héroïne, par des médecins, à des grands drogués qui, de toute façon, ne veulent pas se désintoxiquer. Il y avait à peu près 300 sur une liste. Et c'était voté par la municipalité cet été. Seulement, le gouvernement n'a pas marché. Le Parlement n'a pas voté pour. Donc, ils sont toujours en pourparlers. Parce que c'est un grand problème, Amsterdam. Ils ont été très, très tolérants. Puisque tout le monde peut s'installer des pays du marché commun, il y a énormément d'Allemands, d'Anglais, des Français, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de répression, qu'on ne les envoie pas en prison, qu'on leur donne les méthadones gratuites, qu'il y a les squats. Et maintenant, c'est devenu un tel problème qu'ils ne peuvent plus faire face. Et vous pensez que c'est le résultat d'un excès de liberté? Oui, parce que cette liberté, on peut l'appliquer aux Hollandais qui ont été élevés dans une sorte d'esprit de responsabilité quand même. Si on fait venir des gens d'une autre culture, ça devient un problème qu'ils ne peuvent plus maîtriser parce qu'ils n'ont pas les mêmes données culturelles. Karine, c'est ici un des endroits où on s'amuse le soir à Amsterdam. Ça s'appelle le Paradiso. Oui, c'est le Paradiso. C'est très connu à Amsterdam. En fait, c'est un peu un théâtre. Il y a ici des concerts, aussi des lectures, des soirs de disco, enfin de tous. C'est pour amuser les jeunes, naturellement, mais aussi les gens plus vieux avec les lectures et tout ça. Ce soir, il y a un concert de Dolly Dots. Ça, c'est un groupe hollandais, c'est un groupe de filles. Et ça, au moment, est très populaire en Hollande d'avoir un groupe qui s'est formé seulement par filles et pas des garçons. Nous allons voir un peu plus tard parce que ça commence en 10 minutes. C'est une très grande salle. Il y a un café en haut. Là, on peut s'asseoir. Mais ici, en bas, c'est juste une grande salle. On peut bouger, on peut promener, aller où tu veux et entendre la musique, fumer une cigarette, parler et tout ce que tu veux. Ah, Quant à nous, nous n'avons pas résisté très longtemps au niveau de décibels du groupe Dolly Dots et à la sonorisation du Paradiso. Et pourtant, la clientèle habituelle était là, très à l'aise, debout, en rang serré, pâmée devant le spectacle de ces dames très branchées, dont je vous propose quelques extraits du tour de chant. Balader un peu au hasard. Il faut prendre une carte. Ce qui est sympathique, c'est les canaux, ils sont circulaires. Donc on peut tourner comme ça. On va d'un canal sur l'autre. Mais il faut avoir quand même du temps. Il faut se laisser aller par le temps et aller dans les vieux cafés et voir un peu comment la vie se déroule. Il faut une certaine patience pour découvrir les choses. Ah, il faut beaucoup de patience parce qu'autrement on ne va pas. Et on peut le découvrir à pied parce que c'est quand même moins grand que Paris. Et c'est plus uniforme. Ce qui frappe Amsterdam, et ce qui est très important, c'est pas une ville de grande architecture. C'est pas une ville à monuments. On n'a pas eu Louis XIV. On n'a jamais eu de grands rois ou des dictateurs. C'est une ville avec une architecture complètement bourgeoise, d'habitation. Il n'y a pas de... Sauf quelques églises, il n'y a pas de monuments. Et, sauf le Dam, qui était l'hôtel de ville avant, qui est un bâtiment extrêmement classique. Le reste, c'est que des maisons d'habitation. Il n'y a pas de grandes perspectives, il n'y a pas de grands monuments. Donc c'est une ville pour la vie de tous les jours. C'est une ville pour la vie de tous les jours, exactement. Ce n'est pas une ville avec, comme Paris, avec des perspectives magnifiques, le Louvre, les... Il n'y a pas. C'est une ville beaucoup plus familière. France Culture, l'échappée belle. Partir, découvrir... 524-19-19. Aujourd'hui, une dérive à Amsterdam, Sylvie Andreux. Donc Amsterdam, une ville qui sent, j'ai noté, la mer, qui sent le hareng salé, la bière, le genièvre, une ville très conviviale. Oui, une ville heureuse, en tout cas pour ceux qui ont le plaisir de la découvrir. J'ai l'impression, Marianne, que vous voulez que je pousse un peu l'enquête sur le Café Brun pour savoir Je crois qu'on a tous eu l'impression que vous vous faisiez draguer, et en fait c'est pas ça. Antoinette Mounier, qui est néerlandaise, qui est avec nous, nous dit que c'est la coutume dans les cafés. Si on va au bar, on se fait offrir un verre, c'est tout à fait normal. Oui, comme tout le monde est debout et on est tous ensemble, le voisin de Lazare, il vous parle, il vous offre une bière. Et après, normalement, vous redonnez la bière. Mais ce n'est pas la drague comme on connaît ici dans les cafés en France. Alors maintenant, d'une façon plus classique, eh bien, quelques petits pas, quelques petits tours sur les canaux de la ville. C'est le départ maintenant. Oui, c'est le départ. On départ et on va voir tous les canaux. Bonjour. Voor onze 1 uur durende rondvaart door de grachten en een deel van de haven. Tijdens deze vaart zullen wij u iets meer vertellen over de historie van de stad en haar bezienswaardigheden. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Holland International zu dieser einstündigen Fahrt durch die Grachten und einen Teil der Hafenanlagen von Amsterdam. Während dieser Rundfahrt werden wir Sie über die Sehenswürdigkeiten unterrichten und die Geschichte der Stadt. Mesdames, Messieurs, Soyez les bienvenus à bord de ce bateau de Hollande International pour une excursion d'une heure par les canaux et une partie du port. Au cours de cette excursion, nous allons vous expliquer un peu de l'histoire de la ville et vous montrer ses curiosités. Maintenant, nous entrons la plus vieille part du Amsterdam, parce que le port est nouveau, ça devient après. Nous allons entrer dans la vieille ville par la gauche en passant par le Harlem Sluis, une des 16 anciennes écluses de mer autour de la ville, utilisées actuellement pour maintenir l'eau au niveau voulu dans les canaux. Ces écluses sont également utilisées comme écluses de chasse, c'est-à-dire pour le renouvellement de l'eau des canaux. La maison le plus mince, on va passer maintenant, à gauche. Il y a seulement une fenêtre, et c'est tout. Il n'y a pas de volet aux maisons. Les fenêtres sont ouvertes sur la rue. Oui, c'est juste des rideaux. Oui, mais il y a quelques maisons qui ont des petites portes qu'on peut fermer les fenêtres à faire. Mais bien sûr, il y a quelques vols dans les maisons, mais ils ne vont pas dans les fenêtres. Je crois qu'il y a tant de gens tout le temps ici que c'est très difficile pour les voleurs. Depuis l'an 1425, avec quelques autres canaux, la ceinture de la ville. Les maisons, à votre gauche, toutes, en général de dimensions assez réduites, ont été bâties intramuraux sur de petits emplacements. Les anciennes enceintes ont complètement disparu. Qui habite les péniches ? Des gens aussi normaux qui aiment habiter sur un bateau. Il y a quelques bateaux qui sont très jolis, avec beaucoup de plantes, et très jolis décorés. Mais il y a aussi qui sont moins et de temps en temps ils habitent plus rien et pour ça, ça devient moins. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup avec des plants, les petits jardins sur le bateau. Il y a aussi un bateau qui vient plus tard, c'est un bateau avec tous les chats. Il y a une vieille dame qui donne nourriture à les chats toutes les journées. Il habite seulement des chats sur le bateau, elle n'habite pas sur le bateau. Ça c'est le plus vieil pont du Amsterdam. Et il y a une petite, comment ça s'appelle, une prison dans le pont. Maintenant, c'est plus usé, bien sûr, mais il y a toujours une personne dedans. Vous pouvez voir, il y a une petite fenêtre et vous allez voir une personne. C'est une prison. Est-ce qu'il est facile de trouver une péniche pour habiter à Amsterdam ? C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent habiter à Amsterdam parce qu'il y a tant d'universités et beaucoup de gens qui aiment Amsterdam aussi qu'ils veulent habiter ici. Et il y a un peu un problème avec maisons et bateaux pour trouver pour les gens d'habiter dedans. On arrive alors sous le pont le plus ancien d'Amsterdam. Oui, on arrive maintenant ici. Vous voyez bien, on voit la fenêtre avec les personnes qui est toujours dans la prison, qui est vraiment utilisée il y a beaucoup de temps. C'est une des poupées de la musée de Madame Tussaud. C'est un prisonnier de cire. Oui. Après la dérive obligatoire sur l'eau, nous avons à pied sec poussé la porte du musée historique de la ville, ancien orphelinat, bâtiment du XIVe siècle, transformé aujourd'hui par les soins d'un architecte avant-gardiste en lieu de déambulation et de liberté totale au milieu des peintures. 22 salles au total qui racontent l'histoire de la ville, trop peu bien sûr au goût du conservateur Dédalo Carasso, pour qui les origines de la ville remontent au XIIIe siècle. Amsterdam a été nommé dans ce temps-là, pour la première fois, c'était un village de pêcheurs, de paysans, c'était pas très important. Mais la croissance d'Amsterdam est surtout du 14e siècle, 15e siècle, et 16e siècle et 17e siècle. Amsterdam est devenue grande par le commerce de grains avec la Pologne, avec l'Allemagne, avec la Baltique, la Russie. Et Amsterdam, les bateaux d'Amsterdam, les commerçants d'Amsterdam étaient les fournisseurs de grains de l'Europe parce que si on parle de la France, en France, il n'y en avait pas assez à manger pour les Français. C'était parce que c'était pas beaucoup, mais il fallait importer des grains de la Prusse. Donc, ça n'est pas seulement le commerce des épices avec les Indes qui explique la richesse de la ville. Non, le commerce des épices avec les Indes a seulement attribué pour 10% de la richesse d'Amsterdam. Vous parlez du fromage comme un des facteurs historiques de la richesse d'Amsterdam. Oui. Plutôt de la Hollande, plutôt de la province de la Hollande. Surtout au XVIIe siècle, on a trouvé de nouveaux procédés pour faire le fromage. Et avec ces procédés, on a pu augmenter la production du lait. On a beaucoup exporté dans ce temps-là. Et le fromage sont des recherches historiques qui l'ont fait voir il y a quelques années. Que le commerce de fromage, de beurre, etc., était un élément très important dans la richesse de la Hollande. Nous parlons beaucoup des facteurs économiques qui expliquent la croissance et la prospérité d'Amsterdam, mais parallèlement à cette classe de commerçants, de négociants, il y a eu des créateurs, et souvent d'ailleurs au service de la bourgeoisie marchande. Oui, le marché des peintres était un marché de la classe bourgeoise moyenne. Et on peut le voir aux tableaux qui ont été faits au XVIIe siècle et XVIIIe siècle en Hollande. C'était des fleurs, c'était des paysages, c'était des sites topographiques, c'était des tableaux de genre, des musiciens, etc. Tandis que dans les autres pays, c'était plutôt des tableaux religieux, c'était l'église qui payait les peintres, et c'était les rois et les nobles qui achetaient des tableaux classiques, tandis que le bourgeois hollandais du XVIIe siècle, il avait un goût bourgeois et il aimait les fleurs, il aimait les paysages, comme maintenant, partout en Europe, les bourgeois aiment d'avoir un tableau avec une jolie paysage dans la salle à manger. Les Français de l'époque, ceux du XVIIe et XVIIIe siècle, ont eu, vous le disiez, beaucoup de mal à accepter et à admettre la peinture hollandaise. Ils n'aimaient pas tellement la peinture hollandaise. On appréciait Rembrandt à un certain degré, mais en général, on le trouvait inférieur à la peinture française, à Poussin, à Claude Lorrain, à Caspar Duguay, etc. Et on disait que c'était un peu une peinture de la vie vulgaire. Pas mal, mais pas une peinture élevée comme celle de l'Italie ou celle de la France. Et on disait que les Hollandais étaient de bons coloristes, que le clair-obscur était admirable, mais que c'était un peu flegmatique. Il y avait l'abbé Dubois en France, il était secrétaire perpétuel de l'Académie française. Il disait, les Hollandais, ils sont flegmatiques parce qu'ils boivent du lait, ils mangent des légumes, et ils sont paisibles et flegmatiques, ils doivent se mettre beaucoup de peine à travailler, mais ils n'ont pas le sang comme les Romains, comme les Français, ils n'ont pas l'esprit latin, etc. Alors, c'était ça un peu le jugement des Français envers les Hollandais. Fait remonter le déclin d'Amsterdam. À la fin du XVIIIe siècle, avec la révolution batave, quand la Hollande est devenue satellite de la France, les Français ont pris un peu les richesses de la Hollande et ça a été le point où Amsterdam a décliné. Et au 19e siècle, c'était assez difficile pour Amsterdam de remonter après l'Empire de Napoléon. Et on peut dire que ça a pris 50 ans, un demi-siècle, pour reprendre un peu les richesses. Et il y avait un autre facteur au 19e siècle, le port était difficile à entrer pour les grands bateaux à vapeur. De ce temps-là, on a fait un canal entre Amsterdam et la guerre, mais ce canal n'a pas pu résoudre jusqu'à maintenant les problèmes de la situation d'Amsterdam, qui n'est pas comme celle de Rotterdam, qui est sur une bonne place entre l'Allemagne et entre l'Angleterre. Et on peut dire que Amsterdam a su reprendre grâce à des industries de luxe comme le diamant, comme la textile, avec les banques, avec des spécialisations maintenant électroniques et avec le nouvel aéroport d'Amsterdam. Beaucoup de canaux à Amsterdam, tout le monde le sait, beaucoup de musées également. Est-ce que la concurrence est très, très forte entre conservateurs de musées? Non, parce que à Amsterdam, il y a beaucoup de musées. Et quand il y a beaucoup de musées, il y a beaucoup de visiteurs. Parce que c'est une infrastructure qui attire le public. Par exemple, quand on prend Rotterdam, il y a beaucoup moins de musées, mais nous sommes un musée moyen, le musée historique à Amsterdam, mais nous avons autant de public que le musée Boymans à Rotterdam et que le musée de La Haye. Ça veut dire que la structure des musées, l'infrastructure des musées se renforce. Quand il y a un musée, il n'a pas beaucoup de chances de survivre. Quand il y a 20 ou 25, c'est bien. Avant de venir, la première fois surtout, j'avais lu des guides. Et puis la deuxième fois, je me fie un peu à mes souvenirs et j'aime bien marcher un petit peu en essayant de retrouver bon, ce qui m'a plu une première fois. Et en fait, je crois que c'est une ville où on aime surtout flâner. Vous trouvez que la marche à pied, la meilleure façon de s'accueillir dans cette ville? La marche à pied, et puis on vient de faire une balade en bateau et c'était agréable aussi parce qu'on a une autre vision du canal, mais l'essentiel se fait à pied. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de ce séjour? Ah, ben justement, le plaisir des façades, le plaisir de la promenade et puis les musées. On est venu pour voir le musée Van Gogh, ce qu'on a fait ce matin. Est-ce que vous avez cherché à entrer dans les quartiers plus fermés, plus chauds, enfin, qu'on appelle le quartier rouge ici, qui n'est pas loin d'ici d'ailleurs? Oui, c'est ça, mais peut-être on va y aller, oui, on pensait y passer, oui. Alors là, on vous rencontre devant la boutique d'un marchand d'épices très connu, qui est une boutique ancienne. Vous vous apprêtiez à entrer? Oui, parce que je savais, la première fois que j'étais venue à Amsterdam, j'avais vu des épiceries comme celle-ci, et on cherchait à les retrouver. Et vous avez des achats à faire? Non, mais on était attirés par le parfum. Juste quand vous nous avez rencontrés, la porte est ouverte, et ça sentait bon, et on allait entrer pour sentir. Bon, et je crois qu'il y en a une autre un peu plus loin là-bas. Alors on entre, merci. Et voilà, au revoir. Bon voyage, merci. Bon séjour. Elle rentre quand même peu de toi. On vous suit. Ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est la visite du béguinage. Et on a passé un petit moment et on apprécie beaucoup ce lieu qui est clos à l'intérieur de la ville. Et... Alors, racontez-nous, parce que nous, on ne l'a pas vu. On l'a vu, c'est tout près d'ici. Hein. Enfin, bon, là encore, moi, je retrouve un souvenir, parce que je suis venue en été et c'était vraiment un lieu... Bon, la ville était beaucoup plus agitée en été que maintenant en hiver. C'est vrai ce que dit Jacques, ça, on a beaucoup apprécié, ce calme de la ville. On n'a pas l'impression d'être dans une capitale et les gens sont très, très calmes dans l'ensemble. Et donc, en été, je crois que le contraste était encore beaucoup plus fort entre une certaine agitation de la ville et le calme du béguinage. Et bon, là, c'est très agréable parce qu'on a visité à la tombée de la nuit. Et on voyait juste les petites lumières dans les maisons. Et puis, il y a une église également, dont on n'aperçoit que les cierges à travers les vitraux. Et ça, c'est vraiment très, très beau. C'est vraiment un lieu de calme. Ça nous a beaucoup plu. Et vous trouvez que l'hiver est une saison qui permet la découverte de la ville? Ah oui, moi, je l'ai vu donc en été et en hiver. Et je trouve que chaque saison a son charme. C'est différent. Moi, je n'ai pas l'impression de refaire exactement le même voyage. Mais ce que j'aime beaucoup, en fait, hier aussi, on a beaucoup apprécié, c'est que bon, la nuit tombe vite ici, hein, 5h, il fait nuit. Et ce qui est très, très agréable, c'est de voir les lumières qui s'allument et tous ces cafés si chauds, si confortables. Ça, c'est vraiment un des grands plaisirs dont on profite beaucoup moins l'été. Je trouve que l'été, on est beaucoup plus dehors, les journées sont plus longues, alors que là, on a vraiment le plaisir de la ville et en même temps le plaisir de l'intérieur. Je trouve que ce contraste, pour moi, c'est un des charmes les plus grands d'Amsterdam, surtout en décembre. Et l'odeur de la boutique? Ici, ah, oui, moi, j'aime beaucoup. Si on en dit un mot. Ah, moi, j'aime beaucoup cette odeur. Je ne sais pas très bien l'analyser. On a l'odeur en éveil. Mais on a une odeur de cannelle, on a une odeur de réglisse. Ça, moi, je... Il y a peut-être autre chose encore, mais je crois que ce sont les odeurs qui dominent. Ça, moi, j'aime beaucoup cette odeur. Ce qui me plaît aussi dans cette ville, c'est... Bon, il y a... Les reflets aussi sur les panneaux. Comment? Les reflets sur Ah oui, ça, c'est vraiment très joli. Ça, c'est une chose qu'on admire vraiment beaucoup, effectivement. Cette deuxième ville qui se reflète, ça, c'est joli. Mais cette image des vélos appuyés contre le parapet, c'était vraiment très, très beau. Et moi, c'est une chose, justement, qui me plaît bien, c'est toutes ces images inattendues, bon, qui nous surprennent. Et sans mise en scène, c'est le quotidien. Je crois que c'est ça qui est agréable dans cette ville. Un quotidien qui est différent du nôtre, qui est très... Oui, c'est ça, qui est joli, qui est différent. Je crois que le dépaysement, c'est ça ici. Nous non plus, nous n'avons pas résisté au charme de ces maisons d'Amsterdam, d'autant que l'une d'entre elles abrite l'Institut du théâtre, fréquenté par les amateurs, les professionnels, les curieux, les familles, les voyageurs qui vont de la cafétéria aux expositions de photos, en passant par les salles de projection audiovisuelle et la bibliothèque. On s'y sent bien, on se parle, on se croise. Un des responsables du lieu, Rudy Engelander, s'est exprimé sur les tendances actuelles de la vie théâtrale. Nous avons connu, pendant les 15 années passées, les 20 années passées peut-être, un développement du théâtre qui est très particulier pour cette ville, ou pour les Pays-Bas peut-être. Alors ça veut dire que nous avons vu un développement des petites salles qui est avec beaucoup de sortes de théâtre, beaucoup d'espèces, par exemple le théâtre musical, le théâtre en mouvement, théâtre qui se trouve entre le théâtre et les arts plastiques, de telles choses. Dans un quartier localisé d'Amsterdam, ou est-ce que les salles existent aussi à la périphérie de la ville, comme en France, comme à Paris? On ne peut pas le comparer avec Paris, avec la banlieue, toutes les manifestations théâtrales. On peut dire que les manifestations les plus intéressantes à Paris se trouvent aux banlieues. Mais ici, c'est différent, parce que je crois que c'est vraiment le centre où on trouve cette salle. Alors, vous dites que la tendance aujourd'hui est un peu à l'avant-garde et au théâtre expérimental, avec des auteurs de ce pays qui écrivent pour ce théâtre? Le théâtre dont on parle maintenant, c'est un théâtre où l'auteur n'est pas tellement important. C'est un théâtre très visuel, très musical, et le texte, sans doute il y a un texte, mais c'est un texte qui n'a pas une place principale comme on l'entendrait. Et vous qui aimez le théâtre, vous êtes d'accord avec cette option du retrait du texte par rapport à la chorégraphie, à la mise en scène? Oui, pourquoi pas, parce qu'on peut voir tout, pas seulement dans le théâtre, mais dans la vie en général, il y a des choses qui vont en... En mouvance. Oui, alors il y a des retraits, il y a des développements d'un certain genre. Alors, je crois que si le texte n'est pas tellement important aujourd'hui, en quelques ans, le texte redeviendra important. J'imagine que les gens du spectacle sont très à l'aise ici à Amsterdam, qui est une ville dont on dit que tout est possible, que toutes les libertés peuvent s'exercer. Est-ce que vous le vérifiez ça dans votre métier? Comme j'ai expliqué, tout le monde peut faire n'importe quoi, en principe, et c'est le public, finalement, qui va juger si c'est valable. Mais actuellement, il y a beaucoup de problèmes avec l'argent, avec des subventions qui sont réduites. Alors, c'est une vie assez flexible et il y a beaucoup de possibilités, mais on est limité par les circonstances, disons, très pratiques. Et la bourgeoisie puritaine de cette ville était elle aussi cliente du théâtre que vous proposez ? Oui, il y en a, pas tout le monde, mais naturellement, il y en a beaucoup qui toujours visitent le théâtre municipal. Et pourquoi pas ? Parce que c'est un genre comme les autres. Alors moi, je ne suis pas contre ça, hein. Mais c'est un fait que j'ai l'impression, je ne peux pas le trouver actuellement, mais j'ai l'impression qu'un public qui se développe, alors qui est en train de bouger, visite la petite salle. Ici, aux Pays-Bas, on peut dire que le théâtre est influencé par la dramaturgie allemande, comme le théâtre français, hein, en même temps, n'est-ce pas ? Mais un problème avec le théâtre français, c'est que le public hollandais ne comprend pas tellement le français. Je ne sais pas, je ne suis pas très sûr sur cette question. Si ça a été mieux, disons, il y a 10 ans, il y a 20 ans, certainement l'importance de la langue française dans les écoles a été diminuée. Parce qu'il y a 20 ans, c'était obligatoire d'apprendre 3 langues dans les écoles secondaires. Et maintenant, on peut faire la choix. Et vous trouvez qu'il y a une méconnaissance de nos deux pays, malgré les 500 kilomètres qui nous séparent, c'est-à-dire une distance très courte ? Oui, je crois, je suis sûr. Moi, j'ai l'impression que pas seulement la langue française, mais aussi la culture française, par la langue, est en train de disparaître de nos jeux. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord avec moi quand je dis ça. Mais moi, je suis assez convaincu que la France est en train de devenir un pays comme la Yougoslavie, où on va, on s'y rend pour les vacances et pour le soleil, peut-être, si on a de la chance. Et on y va au mois de juillet, août. Malgré ce recul du français et malgré ce peu d'attirance que vos compatriotes ont pour la France, vous avez un programme ambitieux et presque courageux qui est celui d'organiser une exposition qui va durer un an, près d'un an, sur la France aux Pays-Bas. Oui, mais c'est pas malgré ce fait, c'est exactement pour cette raison. C'est une manifestation qui durera presque 2 ans, qui commence au mois de juin 1985 et qui dure jusqu'au mois de novembre 1986. Il y aura des expositions de nature historique. Et puis, alors ça sera en 1985. Et puis l'année après, le sujet de la manifestation sera les arts contemporains. France Culture, l'échappée belle. Partir, découvrir. 524-19-19. Aujourd'hui, une dérive à Amsterdam, Sylvie Andreux. Alors là, nous étions à Amsterdam et vous avez rencontré à Paris des amoureux d'Amsterdam, une ville qui laisse une trace très forte dans le souvenir. Oui, Marie-Hélène, nous allons les entendre un peu plus tard. Effectivement, j'ai rencontré deux des amateurs et amoureux de cette ville qui sont Dominique Fernandez et Bernard Delvaille. Ah, j'aurais voulu être un grand négociant, de ceux qui autrefois s'en allaient d'Amsterdam vers la Chine, confiant l'administration de leur maison à de fidèles mandataires. Ainsi que Robinson, j'aurais devant notaire signé pompeusement ma procuration. Alors, ma probité aurait fait ma fortune. Mon négoce eût fleuri comme un rayon de lune sur l'imposante proue de mon vaisseau Bombay. J'aurais reçu chez moi les seigneurs de Bombay qu'eût tenté mon épouse à la belle santé. Un nègre aux anneaux d'or fut venu du Mogol, trafiqué, souriant sous son grand parasol. Il aurait enchanté de ses récits sauvages ma mince fille aînée, à qui il eût offert une robe en rubis filée par des esclaves. J'aurais fait faire les portraits de ma famille par quelque habile peintre au sort infortuné. Ma femme, belle et lourde, aux blondes joues rosées, mes fils, dont la beauté aurait charmé la ville, et la grâce diverse et pure de mes filles. C'est ainsi qu'aujourd'hui, au lieu d'être moi-même, j'aurais été un autre et j'aurais visité l'imposante maison de ces siècles passés, et que, rêveur, j'eusse laissé flotter mon âme devant ces simples mots. Là, vécu Francis Jam. In dat oud Amsterdam, in de buurt van de haven, gaan de zeelui zich laven, drinken het hek van de dam. In dat oud Amsterdam liggen zeelieden dronken, als een wimpel zo lam in de dokken te ronken. In dat oud Amsterdam krijgt een zeeman de stuipen, tot hij zich, grauw van gram, in het bier wil verzuipen. Maar in oud Amsterdam zie je zeelui ontkaterd, als de ochtendzon schatert over Damrak en Dam. Nous allons, hélas, terminer ce voyage déjà à Amsterdam par les carnets de route et impressions d'un écrivain et d'un poète, tous deux français, rencontrés à Paris, Dominique Fernandez et Bernard Delvaille. Ils ont fait chacun une trentaine de fois le voyage à Amsterdam, attiré dans les années 60 par l'extrême tolérance qui régnait dans cette ville. Dominique Fernandez, tout d'abord, je le rappelle, auteur au Seuil dans la collection Petite Planète d'un Amsterdam, nous donne les raisons de son premier voyage dans cette ville. Dites, quand j'ai découvert Amsterdam, je me souviens très bien que c'était une époque très différente de la nôtre, où la France était très puritaine et bardée de tabous encore. Et Amsterdam est une ville déjà très libre. Et je crois que c'est ça qui m'a fasciné dans Amsterdam. Et je le savais aussi par l'histoire d'Amsterdam, c'est que c'est une ville qui a toujours été libre, qui a toujours accueilli les gens qui ne sont pas bien chez eux, les minoritaires, les déviants, les errants, tous les gens un peu en marge, ont toujours trouvé une patrie dans Amsterdam. Et les premiers hommes libres de cette ville remontent, et vous les faites remonter en tout cas aux commerçants de la ville au XVIIe siècle, au grand siècle même d'Amsterdam. Même avant, je crois que les juifs portugais et espagnols qui ont été chassés par l'inquisition d'Espagne et du Portugal sont arrivés à Amsterdam et ont fait la fortune d'ailleurs de cette ville, puisque c'était diamantaire, se vend des bijoutiers, dès le XVIe siècle. Puis il y a eu les protestants chassés par Louis XIV. Au XVIIIe siècle, les encyclopédistes, puisque Rousseau a fait imprimer les Mille et le contrat social à La Haye ou Amsterdam, je ne sais plus, Voltaire a fait imprimer des livres, de même que Descartes également, au siècle précédent. C'est une ville qui a toujours accueilli ceux qui pensent mal, les mal-pensants, ceux qui ne sont pas dans la norme, ont toujours trouvé accueil dans cette ville. Ça m'a toujours fasciné. Et on sent ça quand on arrive, même si on ne sait pas tout ça, on sentait ça surtout à cette époque, quand j'ai découvert Amsterdam, qui était pleine d'une jeunesse cosmopolite, car il y avait des deux tiers de jeunes de tous les pays, qui vivaient mal chez eux, pour des raisons ou d'autres, et qui trouvaient une nouvelle forme de vie communautaire. Et quand j'étais jeune, et qu'on étouffait en France, et c'était effrayant, il y avait 25 ans encore, ou 30 ans, la vie était vraiment étouffante. Il y avait la famille, puis il y avait l'université, puis le métier, et puis rien. Et à Amsterdam, il y avait déjà cette vie collective, cette vie communautaire, ces grandes maisons que la municipalité prête aux jeunes, enfin loue, je ne sais pas quel est le système, et qu'ils gèrent eux-mêmes, où il y a des ateliers, ils font du théâtre, du cinéma, de la musique, de la poterie, ils vendent des choses. Enfin, c'est une vie entre eux, une vie agréable, une vie à eux surtout. Et ça, c'est une spécialité d'Amsterdam. Certaines de ces maisons qui ont été données aux jeunes sont des très belles maisons du 7e. On n'aura pas donné des HLM en banlieue, comme on en a fait en France. En France, quand on donne quelque chose à la jeunesse, on donne ce qui ne sert à personne d'autre, des hangars, des choses répugnantes. Là, on a donné de très beaux locaux. Il y a le Melkweg, c'est-à-dire la voie lactée, qui est une ancienne laiterie, pareil, en briques, et qui est devenue une de ces maisons où on fait tout, du théâtre, de la... Et ça, c'est merveilleux. Dominique Fernandez, cette jeunesse que vous avez découverte avec ravissement, avec bonheur il y a 30 ans, a pris quelques rides aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous la reconnaissez? Est-ce qu'elle a été renouvelée surtout? Je veux dire que j'étais un tout petit peu déçu à mon dernier voyage que j'ai fait au printemps. Peut-être parce que je connais trop la ville. Moi, j'y allais presque tous les ans à Amsterdam. Je suis allé 20 ou 30 fois, je ne sais pas. Je n'ai plus ce choc parce que je crois que la France, heureusement, a fait des progrès et que là où Amsterdam était en avance de 20 ans, nous l'avons rattrapé. Alors, elle a perdu cette fascination. Il y a moins de jeunes, et ils ressemblent plus à ce qu'il y a ici. Mais ils n'ont plus besoin non plus de se mettre en marge, parce que ça, c'est, le progrès s'est banalisé, en quelque sorte. Et je m'en réjouis profondément. Il n'y a plus besoin d'aller quelque part pour vivre. On peut vivre partout en Europe. Ça, c'est un progrès. Et peut-être Amsterdam a perdu un peu de cette... Enfin, ce qui, à mes yeux, faisait sa fascination. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Les villes sont toujours plus belles la nuit, partout évidemment. Encore plus belle, une ville d'eau, évidemment, une ville de canaux. Non, ce n'est pas une ville nocturne particulièrement. Vous savez, les villes du Nord sont... Enfin, c'est la seule ville qui vive un peu la nuit. Parce que si vous êtes à Rotterdam ou à La Haye, alors à 9h, c'est fini. Mais c'est comme une grosse capitale. Vous avez des... Oui, il y a aussi le quartier, on n'a pas parlé. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas du tout, mais c'est le quartier de la prostitution, qui est bien connu alors de certains amateurs, qui est le quartier comme dans tous les ports. Vous avez le quartier des... Avec les filles vraiment les filles derrière les vitrines, la vitrine. Les sex-shops, il y en a... C'est un peu répugnant, je dois dire. Il y a tous les maîtres. Enfin, pendant... C'est notre Pigalle à nous. C'est Pigalle, c'est plus beau parce que c'est dans les plus vieux quartiers, c'est le long de canaux. Et les maisons sont très jolies et les filles sont dans les, comme dans les tableaux hollandais, sont dans des vitrines, derrière des vitrines. Et la vitrine ressemble à un petit tableau hollandais, comme à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elles cousent ou elles feignent de lire. Et il y a une petite lampe, il y a une fourrure. Enfin, c'est un petit décor comme ça. Mais c'est quand même un peu sordide, surtout la clientèle, je veux dire. Vous avez les marins, vous avez les types qui traînent, là, puis ces cinémas, porno, tout ça, c'est, qui clignotent. Enfin, c'est un peu vulgaire. Bien, maintenant, nous nous trouvons dans le quartier rouge, ou bien le quartier de prostituées. Je vais vous expliquer un peu... Quelle est la différence entre le quartier de prostituées à Amsterdam avec la contraire avec les autres pays? C'est parce que ici à Amsterdam et au canal et aussi les petites rues à côté du canal, c'est tout un quartier, les prostituées, ils s'assoient dans son fenêtre Et avec lui, il y a un petit lumière rouge, et pour ça, le nom Quartier Rouge. Et là, avec très peu de vêtements, il veut attracter les hommes pour laisser entrer les hommes, et comme ça, il peut gagner un peu de l'argent. Hein. Vous connaissez l'idée de les prostitutions. Et c'est une place très populaire, je crois, avec les touristes. Oui, vous voyez une à gauche. C'est pas seulement le couleur rouge, mais aussi un peu le purple et tout ça. Mais vous comprenez le nom, Quartier Rouge. Mais c'est très populaire avec les touristes pour voir, parce que c'est aussi différent. Mais bien sûr, pas seulement les touristes. Il vient aussi des personnes sérieuses ici pour faire des affaires. Hein. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand le rideau est fermé? Parce que bon, il y a des quand les rideaux sont fermés, oui, ça veut dire qu'elle travaille, qu'un homme est entré, qu'elle est en train de travailler. Et c'est seulement une chose de fermer les rideaux. Il y a beaucoup d'étrangers qui habitent ici. Et surtout les gens marocains et de Turquie, qui ont une culture totalement différente. C'est difficile pour leur de trouver une amie, parce que son femme et ses enfants et toute la famille est dans son pays, en Turquie, au Maroc, ou je ne sais pas quoi. Et parce que c'est difficile pour lui de converser avec les gens hollandais à cause de différentes cultures, il vient aussi souvent ici pour avoir du contact qu'ils ont naturellement besoin d'avoir. C'était un temps pour éprouver des voluptés dans une chambre d'hôtel au bord d'un canal que je sais. Il pleuvait sur les premières tulipes du soir. La pluie se confondait avec mes larmes. Puis tu vins, pour quel naufrage ou quel salut. Les bateaux en passant assourdissaient tes cris. La serveuse était blonde, comme une eau-de-vie de Hollande, quelque genièvre des bars perdue près de la gare. La nuit tombait, et cette odeur forte des draps, cette facile odeur des corps qui se déchirent, me reprochait tant d'escales sans aube. C'était un temps pour des hamstels d'amour et d'oubli, un temps pour le passage des mouettes et pour ta nudité devant la glace, un temps de pluie qui dort sur les eaux des canaux. Une jacinthe bleue comme une enseigne de mauvais lieu me prévenait de la cruauté des adieux. C'était dans un pays passé, futur, que j'ai connu, où j'ai aimé, où j'ai souffert, dans les jardins botaniques du souvenir. Extrait d'un poème de Bernard Delvaille, qui, je vous le précise, est responsable de la maison d'édition Segers à Paris, qui est un infatigable promeneur, poète des villes, Londres et Paris, et qui ressent pour Amsterdam, un tel attachement qu'il a pensé à un moment s'y installer. Ah oui, oui. Et même l'année dernière, je devais aller à Bruxelles et je devais faire une conférence, je crois, sur Aragon à Bruxelles. Et comme la conférence devait être un mardi, j'en ai profité pour partir dès le vendredi soir pour Amsterdam. Il faisait un temps, c'était octobre, il faisait un temps merveilleux. Jamais je n'avais vu Amsterdam avec autant de soleil, presque de chaleur, de jaune et de rouge sur les arbres au bord des canaux. Et je me suis longuement promené, deux ou trois soirs de suite, entre 11h et minuit, le long des canaux, et je regardais l'intérieur des maisons, parce que très rarement en Hollande, les maisons ont des rideaux. Les vitres sont très propres, les fenêtres sont très claires et on pénètre à l'intérieur des maisons. Et il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres en Hollande, même quand on traverse la Hollande en chemin de fer. Les maisons de garde-barrière, les petites maisons dans la campagne, on voit des bibliothèques derrière des amoncellements de plantes vertes. J'avais envie de vivre au bord d'un canal, au deuxième ou troisième étage, avec des tableaux modernes, avec des plantes vertes, avec beaucoup de livres, et de vivre cette lenteur qu'il y a. Il y a une grande lenteur à Amsterdam. Je ne sais pas s'il y a beaucoup à écrire sur Amsterdam. Mais bon, sur Londres, il y a énormément à écrire, parce que Londres est quand même une capitale intellectuelle aussi. Amsterdam l'est aussi, mais quand même un degré tellement moindre, tellement restreint. C'est tellement intime, Amsterdam. C'est tellement petit que je ne sais pas si on peut en écrire. Vous ne savez pas le dire. Ou je ne sais pas le dire, ou je suis peut-être trop... Je me sens peut-être trop chez moi, c'est trop intime, c'est trop une petite ville de province d'Europe. Dans un avion de nuit vers Amsterdam, je t'ai parlé de la neige et de ces maladies qu'on les pivoine au cœur du temps et de tout ce qui nous sépare. La lune avait de ces reflets qu'elle a d'automne ou de crainte ou de pluie, de ces couleurs si bien connues de ces voyageurs de la mélancolie que nous sommes. Et la lune et l'avion avaient de ces jeux défendus comme il arrive aux lières et aux amours d'enfance. Dans cet avion couleur lavande, par des moins 80 Fahrenheit, tu dormais au fil des plaines et des fleuves. Une hôtesse feutrée veillait dans la vitesse en soi, et des feux s'allumaient au-dessus des Flandres boréales, et ce fut au bout d'une heure à peine, mais hors du temps, comme une rose orchidée de cocktail Schiphol, et les derniers néons de Kalverstraat. C'est un lieu de rencontre, c'est un miroir. C'est un miroir. C'est banal de dire que c'est un miroir à cause des canaux. Mais c'est un lieu d'eau, c'est un lieu liquide. D'abord, il y a l'eau des canaux. Et les canaux d'Amsterdam sont vraiment très beaux, surtout à l'automne. Et il y a quand même le port d'Amsterdam que Brel a lui enchanté. Il semblerait qu'on le voit mal. On le voit mal, il est derrière la gare. Il est caché par la gare. Il est caché par la gare, il est derrière là-bas. Mais on devine les bateaux et on devine le port et puis la mer omniprésente en Hollande. Mais en effet, c'est un lieu de rencontre, parce que c'est un lieu de lenteur, et que les rencontres ne se font que dans la lenteur. Dans cette ville où les tramways ont des noms d'îles d'insulines, nous reviendrons rêver, au long des eaux mortes et glauques, où parfois se meurt un oiseau des îles, dans l'immobilité du soir sur les canaux. Dans ce port déception, ou ce port du bonheur, nous reviendrons par une fin d'après-midi, au bar du chasseur solitaire, comme ton cœur. Et nous aurons des avant-goûts d'avant-printemps dans des Amsterdam de jeunesse qui rêvent. Ce sera comme un très ancien souvenir, une chanson de Sinatra, comme tu les aimas dans la pâleur et la douceur de ces salons au bord de l'eau. Puis, lorsque le soir descendra, nous irons très lentement, comme de très anciens amis, le long des quais, près des drapeaux des consulats, et un oiseau de mer s'envolera tout près dans l'amertume des jacinthes. Les bars d'après-midi, quand le soleil comme la lune est triste, je les connais de Stockholm à Philadelphie. Quand le barman a des yeux tristes d'améthyste et que vient l'instant où tu ne sais plus s'il est temps de repartir vers quel refuge. Uptown, downtown, col chic des fins septembre, imprécise, Angostura. Nous vous avons aimé dans des bars en longueur, tel un serpent aux roses lueurs. Dans cet après-midi de solitude et de septembre, dans des Camden au bord des fleuves imprécis, et les journaux du soir assassinaient les hommes. Dans des Hollandes de regrets, je vous entends, même chansons qui font pleurer les enfants tristes, même boissons qui font tourner la terre et l'eau. Bar d'où tu sors, plus seul encore dans le soir qui commence, avec pour devant toi nulle autre idée que la vague idée d'autres bras ouverts à l'heure des étoiles, telle une gare d'où partiraient de beaux longs trains aux couleurs d'Allemagne pour des frontières de légende et de sorbiers que tu connus, comme on aima pour la première fois un beau visage triste aux yeux d'alcool et d'ombre. Et vous trouvez que l'eau, bien sûr, la présence des canaux est un élément de magie supplémentaire? C'est un élément de magie supplémentaire, c'est peut-être aussi un élément de pacifisme supplémentaire, de calme. Et de, vous savez, il y a le plus beau texte sur Amsterdam, c'est l'invitation au voyage de Baudelaire, n'est-ce pas? Voir sur ses canaux, dormir ses vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. Et là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. C'est peut-être ça, vraiment, Amsterdam. Donc pour vous, c'est aussi un temps de non-violence, de douceur? De non-violence, de douceur, de calme, d'art aussi. Je pense qu'une ville, quand même, qui comporte en son sein autant de musées. Enfin, il y a le Rijksmuseum, et puis il y a le musée d'art moderne, puis il y a la maison de Rembrandt, et puis il y a des tas de choses comme ça. Une ville qui, en son cœur, porte toutes ces choses-là, ne peut pas être une ville dangereuse. C'est une ville où on se sent protégé, on se sent à l'aise. À Amsterdam, il y a Dieu, il y a les dames. J'ai vu les dames de mes yeux, j'ai pas vu Dieu. À Amsterdam, à Amsterdam, il y a les eaux, il y a les âmes. J'ai vu les eaux dans les canaux, j'ai pas vu d'âme. À Amsterdam, à Amsterdam, il y a des vélos et il y a des trams. Et des bateaux qui font l'amour au carrefour. À Amsterdam, il y a Dieu, il y a les dames. J'ai vu les dames, où donc est Dieu? À Amsterdam, il y a Dieu, il y a les dames. J'ai vu les dames de mes yeux, j'ai pas vu Dieu. À Amsterdam, à Amsterdam, y'a des florins avec les diams, et tout s'achète et tout se vend, même le vent. Une dérive à Amsterdam, un reportage de Sylvie Andreu avec la participation de Bernard Delva et Dominique Fernandez, Annette Held, Dédalo Carasso, Rudy Engelander. Et avec une superbe prise de sang de Louis-Michel Schwartz. Je voudrais préciser aussi que les lectures, le lecteur était Daniel Mermet. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 janvier 1985. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. She comes putting a cigarette holder, truly waking me from over her shoulder. She be digging me out of here, catting my satin down. Tell me, baby, shall we go out somewhere tipping here? Be careful, let me go. I feel just like I'm tripping, speaking Latin to my satin. She's nobody's fool, so I'm playing it cool as can be. I'd sure like to give it a whirl, but ain't none of these girls chasing me. I'd rather be a viper. Mama, what's your telephone number? Tell me, do you like to rumble? I mean that, 'cause she's my satin. She's nobody's fool. Yeah, I'm playing it cool as can be. I'd sure enough like to give it a whirl, but ain't none of these girls chasing me. I switch out Rooney. Baby, what's your telephone number? She's my sender.